Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'affaire Tartuffe en Nouvelle-France. Tartuffe. Mon Dieu, ici. À Québec, Tartuffe. À quels excès se portera donc l'iniquité Tartuffe de Molière? Voilà la manière dont l'auteur Maurice Gagnon a imaginé dans le radiothéâtre qu'il signe en 1973 la réaction qu'a eue Mgr Saint-Vallier lorsqu'il apprend que le Tartuffe de Molière sera présenté à Québec en 1694. Cette année-là va se jouer à Québec la répétition d'une controverse qui a secoué la France de Louis XIV 30 ans auparavant. Et à Québec, comme à Paris, le clergé va partir en campagne dans cette affaire-là contre Molière et son épouvantable Tartuffe. Donc, Saint-Vallier arrive ici, puis, je veux dire, déjà, il n'aime pas du tout le théâtre parce que le gouverneur qui était là avant Frontenac, de Nonville, sa fille voulait faire du théâtre. Alors, il lui a dit très simplement, on ne croit pas qu'il soit bienséant à la profession de christianisme de lui permettre la liberté de représenter un personnage de comédie et de paraître devant le monde comme une actrice déclamant des vers, quelque sainte qu'en puisse être la matière. Donc, c'est très clair, pour Saint-Vallier, c'est le théâtre, c'est dangereux. D'un coup, Saint-Vallier entend parler qu'ils vont peut-être jouer Tartuffe. Oh ben là, je veux dire, il se met en branle, c'est épouvantable. Et... Fait que là, immédiatement, il attend ni un ni deux, il publie un mandement disant que c'est une pièce qu'il ne faut pas jouer. Notre ami Saint-Vallier a finalement gagné quand même. Il n'y a pas de Tartuffe, tout ça. Il n'y a pas de Tartuffe dans ce temps-là. Et en plus, il n'y a pas de Molière. Et donc, avant même de naître, le théâtre était condamné à mort. Molière ne sera joué après qu'en 1774. Par des comédiens britanniques, parlant français, parce que les officiers anglais jouaient du théâtre à l'Élisabethaine, entre eux autres, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'anglaise pour pouvoir jouer le rôle de femme, puis les Québécois se trouvaient que c'était un peu trop se compromettre. Alors, c'est seulement que les Anglais qui ont joué Molière. Et Tartuffe a été joué pour la première fois par une tournée de Coquelin en 1894. L'homme de théâtre et historien Jean-Claude Germain à l'émission La vie quotidienne, diffusée en septembre 1979, Jean-Claude Germain évoque dans cet extrait l'énorme tort que va produire l'interdiction de Tartuffe sur la manière dont va naître et dont va se développer le théâtre chez nous. Pour nous raconter cette incroyable affaire du Tartuffe, je reçois l'historien Laurent Turcot, qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour, Jacques Beauchamp. Cette affaire-là, l'affaire Tartuffe, Laurent, elle a deux vies bien distinctes qui se ressemblent par ailleurs. Il y a l'épisode français et l'épisode québécois 30 ans plus tard, en Nouvelle-France à l'époque. Commençons, pour bien comprendre, par l'épisode français. Dans quel contexte est d'abord présenté le Tartuffe à Paris? Oui, c'est deux histoires qui se font écho, mais on ne peut pas comprendre la seconde, donc ce qui va se passer en Nouvelle-France, si on ne comprend pas l'importance du Tartuffe en France à cette époque-là. Ramenons-nous dans le contexte, nous sommes à l'époque de Louis XIV, et Louis XIV a pris le pouvoir, il est quand même assez jeune, et en 1664... Louis XIV veut lancer toute une série de fêtes pour lancer son gouvernement personnel qu'on va appeler les plaisirs de Versailles. Une séquence de plusieurs jours et il va demander aux plus grands artistes de France, dont Molière, qu'il a même ramené auprès de lui, pour lui écrire une pièce pour divertir. La légende veut que Louis XIV était tellement fan de Molière qu'il se serait assis à côté du comédien auteur et qu'il aurait écrit avec lui les vers de ce que va devenir le Tartuffe. Ah bon. Le Tartuffe qui va être joué le 12 mai pour la première fois et automatiquement la pièce fait scandale. Le public et plusieurs des dévots parce que représentez-vous Versailles, bien sûr, avec les courtisans qui vont pour aller chercher les privilèges auprès du roi. Mais il y a aussi toute cette catégorie d'évêques, de curés, d'hommes aussi religieux parce que la France n'est pas désacralisée, bien au contraire. Mmh. Parce que si on vit dans une tolérance entre protestants et catholiques, n'oublions pas que dans quelques années, et ça se mijote déjà dans la tête de Louis XIV, on va assister à la révocation de l'édit de Nantes, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de tolérance entre les protestants et les catholiques, on va mettre les protestants dehors. Donc, on a l'idée peu à peu chez Louis XIV qui naît qu'il faut aider surtout confirmer la religion catholique parce que la France, c'est la fille aînée de l'Église, comme on aime à le répéter à l'époque. Donc ça, c'est le contexte, la toile de fond, puis on y reviendra à ce que ça va provoquer comme réaction. Il y aura des échos positifs, mais certains échos beaucoup plus négatifs, une grande colère de l'Église, entre autres, à la suite de la présentation à Versailles de ce Tartuffe de Molière en 1664. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi donc une telle colère? Qu'est-ce que ça raconte, ce Tartuffe? Écoutons tout de suite un extrait de la pièce présentée à l'émission Molière pour rire et pour pleurer à l'antenne de l'ORTF en 1973. Que voulez-vous? Vous dire? Oh, mon Dieu! Je vous prie avant de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation et la chair sur vos sens fait grande impression. Hein? Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai mis du haut jusqu'aux en bas que toute votre peau ne me tenterait pas. Couvrez ce sein que je ne saurais voir, réplique célèbre, s'il en est une, de ce Tartuffe de Molière. Une réplique, Laurent Turcot, qui en dit beaucoup, mine de rien, sur le propos de la pièce. Qu'est-ce que ça raconte, le Tartuffe de Molière? Le Tartuffe de Molière raconte une histoire assez classique à la fin du 17e siècle, c'est-à-dire c'est que vous avez le personnage qui est Orgon, qui veut faire entrer en sa maison, il y a sa femme, bien sûr, ses filles, ses enfants, où il veut rétablir une certaine moralité. Donc, Tartuffe arrive dans la maison d'Orgon et lui dit « Faites-moi le ménage un peu dans tout ça. Redonnez-moi la clarté morale nécessaire. » Mais Tartuffe est un faux dévot, c'est-à-dire de quelqu'un qui se pare des habits de la religion pour soutirer de l'argent à Orgon. On a entendu la fameuse scène « Cacher ce sein que je ne saurais voir », mais l'autre vers très célèbre qui est rentré dans l'histoire, c'est quand justement la dame lui dit, le personnage, lui dit « Écoutez, monsieur, mais n'êtes-vous pas dévot ?» Et là, Tartuffe a cette réponse très célèbre « Oui, madame, je suis dévot, mais je n'en suis pas moins homme. » Sous-entendu, oui, j'ai des désirs sexuels, moi aussi. Aujourd'hui, ça ne nous choque plus parce qu'on dit « Oui, c'est ça, il y a un homme. » Non, on est en train de dire que sous la soutane se cache quelque chose qui veut profiter des plaisirs libidineux. Et là, on parle quand même de l'Église. Oui. On attaque carrément le fondement, le ciment de la religion, donc de l'État. Parce qu'y a-t-il besoin de le rappeler? Le roi est nommé par Dieu et il n'a à répondre qu'à Dieu. Oui. Donc, c'est l'autorité suprême. On est dans un monde enchanté, un monde sacralisé. Et s'attaquer à la religion, c'est attaquer à tout. Donc, oui. Molière, c'est très bien ce qu'il fait. Il s'attaque à la religion, puis il dénonce, au fond, l'hypocrisie entourant la pratique de cette religion. Le Tartuffe, c'est ça, on y revient, mais c'est cette fausse vertu, c'est cet homme qui convoite littéralement parce que le bon mari est naïf et plein d'espoir, mais il convoite la femme du mari, c'est ça. Donc l'hypocrisie qui est dénoncée, et l'hypocrisie qu'on trouve, rappelons-nous encore, c'est présenté à Versailles, revenons à la réaction, Laurent Turcot, que ça va susciter, à celle de la cour, puis ensuite à celle de l'Église, mais il y a dans cette cour de Versailles plein de Tartuffes. Il y a plein de Tartuffes, il y a plein de gens qui s'habillent de fausses idées de religion pour aller soutirer le bien en faisant semblant qu'ils sont moraux alors que ce sont les premiers à coucher à gauche et à droite, à profiter du pécule, à contrecarrer les vœux de chasteté, de pauvreté. Bref, ce sont des faux, justement. Il s'en prend à cette attitude Molière. Il le fait un peu partout, dans le misanthrope, dans l'école des femmes, l'école des hommes. Molière, c'est le symbole par excellence de la critique sociale violente dans un français qui est impeccable. Ouais. Mais très vite, vous l'avez dit, il va avoir des gens qui vont se liguer contre lui. L'archevêque de Paris va dire « Cette comédie qui n'en est pas une, qui est ignoble, doit absolument tomber dans l'oubli. Molière est un démon vêtu en chair et bizarre, on va voir se constituer un parti anti-Tartuffe dans lequel on retrouve Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, c'est la mère de Louis XIV. Oui. Donc, on retrouve deux partis. D'un côté, parti dévot avec Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, et Conti, un grand du royaume. Et de l'autre, Molière et peut-être Louis XIV. Parce que Louis XIV est changeant. C'est un homme qui connaît très bien le pouvoir. Certes, il a des volontés d'avoir des principes, mais au-delà des principes, il y a surtout la volonté politique de faire régner l'ordre. Et l'ordre ne peut se diriger, que dans la mesure où lui contrôle tout. Ouais. Donc, il va ménager un peu la chèvre et le chou. Il ne va jamais complètement délaisser Molière, sauf que quand l'archevêché de Paris va le dénoncer, quand on va dire « il faut absolument laisser tomber cette comédie », on va la retirer. Et là, Molière va dire « écoutez, je vais la réécrire ». Ouais. Donc, en 1665, il va réécrire le Tartuffe du nom de l'imposteur. Encore une fois, ça se passe très mal, on dénonce les choses. Il va falloir attendre quelques années plus tard, en 1669, où on va représenter enfin ce qui porte maintenant le nom de Tartuffe ou l'imposteur. Mais ça a pris quand même plusieurs années pour que Molière amoindrisse son texte et se rende compte que finalement, il peut le faire passer, mais jamais par des attaques frontales. Et je vais quand même juste rappeler la fin du Tartuffe, qui est quand même fondamentale pour comprendre la raison pour laquelle on a réussi à la maintenir. À la fin, Tartuffe a réussi à avoir tout le bien d'Orgon, a véritablement enfirouappé toute la famille, sauf arrive un exempt qui, nommé par le roi, visiblement une espèce de deus machina, comme dans le théâtre grec, et là, l'exempt dit « Calmez-vous, monsieur, nous vivons sous un prince ennemi de la fraude. » Et là, tout d'un coup, ce que Tartuffe avait gagné, il le perd, donc on est en train de dire « Ne vous en faites pas, s'il y a du malheur, Louis XIV est présent. » Le roi veille sur vous. Série d'interdictions, puis on peut pas... C'est vraiment quelques années où Molière bataille ferme avec l'appui du roi, mais le roi qui est sensible à Anne d'Autriche, sa mère, qui va dire « Non, finalement, on va l'interdire. » Donc, ça dure quelques années. Juste un mot pour la fameuse version de 1669 qui a été remaniée et qui sera autorisée. C'est cette version-là qui a survécu, celle qu'on a aujourd'hui entre les mains, c'est cette dernière version de 1669, là. Exactement. C'est parce qu'il y a eu plusieurs versions. Et entendons-nous, ce n'est pas parce qu'une pièce était jouée qu'elle était imprimée tout de suite. Ouais. D'ailleurs, il y a des versions qui étaient illégales, que certaines personnes notaient et après ça essayaient de publier sous leur nom ou quoi que ce soit. Mais Molière s'est toujours battu contre ça. Mais les premières œuvres complètes de Molière, c'est pas avant le 18e siècle qu'on va les voir venir. Venons-en maintenant à l'affaire Tartuffe en Nouvelle-France. Laurent Turcot, quand et dans quel contexte décide-t-on de présenter Tartuffe à Québec? Alors, on a différents acteurs qui se présentent. Nous sommes en 1693. On est en train de se préparer tranquillement pour le carnaval. Le gouverneur est un certain Louis de Buade, comte de Frontenac, qu'on connaît bien pour une phrase qui est rentrée dans l'histoire. Je vous répondrai par la bouche de mes canons. Ouais. Homme quand même assez enclin au plaisir, qui a connu la grande vie des grands châteaux de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye. Et lui se dit, ben écoutez, moi, je suis au château Saint-Louis, j'aimerais bien redonner un peu d'éclat, de danse, de jeu, de théâtre. Et il y a eu du théâtre. Hein. On dit souvent que l'affaire Tartuffe est un des premiers exemples. Pas du tout. En 1606, on a le théâtre de Neptune, fait par Marc Lescarbot. On va avoir du Corneille, on va avoir du Racine, Mithridate, Nicomède, donc de Corneille, qui vont être montés, et notamment dans les collèges jésuites, parce que c'est près des valeurs. Catholique. Sauf que débarque dans la colonie en 1693, donc l'année où on commence à préparer le carnaval, un certain Jacques de Marolles, lieutenant des troupes de la marine, mais qui est aussi comédien à 16 heures. On n'a pas qu'une seule fonction dans la vie. Et Marolles va monter des pièces de théâtre, sauf qu'il a dans la tête l'idée de faire un coup d'éclat. Un coup d'éclat avec une pièce, certes, qui a créé de l'émoi en France, mais qui ne la crée plus. Et il se dit que probablement dans cette colonie qui a besoin d'un coup de vigueur, ça serait intéressant de monter le Tartuffe. Ce qui plaît à Frontenac, et il le sait, Frontenac, il connaît l'histoire qui s'est déroulée en France 30 ans plus tôt, mais il sait aussi qu'en France, à ce moment-là, Tartuffe n'est plus interdit. Tartuffe n'est plus interdit en France, et il se dit ici, il n'y a aucune raison qu'on l'empêche. Sauf qu'il y a un troisième acteur. Et le troisième acteur, c'est le deuxième évêque de Québec, en chronologie, bien sûr, Monseigneur de Saint-Vallier. On a entendu l'extrait tout à l'heure. Monseigneur de Saint-Vallier, qui, lui, est le symbole par excellence de la contre-réforme catholique. Souvenez-vous, quand Martin Luther a voulu casser justement ce modèle, ce qu'a donné le protestantisme, le catholicisme est revenu avec le Concile de Trente, et on s'est dit, dorénavant, on va se baser sur le conservatisme, la tradition et la discipline. Et Monseigneur de Saint-Vallier est un de ceux qui va incarner cette chasse au plaisir impie. Et donc, quand il va apprendre au malheur que Tartuffe sera présenté à Québec, il va à son tour piquer une sainte colère. On revient justement, je dis à son tour parce que ça aurait été la même chose en France 30 ans plus tôt. On revient sur cet extrait du radiothéâtre qu'on vous présentait au tout début de l'émission. On en écoute un plus long extrait. Radiothéâtre signé Maurice Gagnon, présenté en octobre 73 à notre radio. Voici, profitez, c'est assez succulent, voici comment Maurice Gagnon, donc, imagine la réaction de Monseigneur Saint-Vallier, évidemment tout ça est de la fiction, quand il apprend qu'on veut monter Tartuffe à Québec. C'est le comédien Jean Guy qui interprète Monseigneur Saint-Vallier dans cet extrait. Il paraît, Monseigneur, qu'on s'apprête à jouer une pièce de théâtre dans le salon d'une de ces dames. Ah, ce n'est pas à encourager. La comédie étant une façon de mensonge et de moquerie, mais on cabre la monture à lui tenir la bride trop courte. Non, une pièce à thème pieux, ou du moins revigorant pour la foi et les bonnes mœurs, dans ses conclusions, Bon, je crois qu'il faut accepter cela comme une moins mauvaise manière d'occuper ces longues soirées d'hiver que d'autres amusements moins anodins, tels que le jeu, les beuveries, les danses et autres fornications. Justement, monseigneur, cette pièce ne répond pas à la description que vous venez de faire de celle qu'il faut tolérer. Dites-moi, s'agirait-il d'une de ces grossières farces à la mode italienne? Non point, monseigneur. Monsieur l'abbé, vous vous dérobez. Parlez net, je vous prie. On jouerait Tartuffe, monseigneur. De cet impie de Molière? Je n'en connais point d'autre, monseigneur. Tartuffe! Vous l'avez lu, monseigneur? Certes. Et explorer le mal comme le médecin la maladie pour le mieux combattre? Tartuffe! Mon Dieu, ici, à Québec, Tartuffe! À quels excès se portera donc l'iniquité Tartuffe de Molière? De Molière, monseigneur. Le malin dans nos murs, nous défiant de son rictus, la foi, la religion, ses ministres, les plus honnêtes sentiments tournés en dérision. Qu'entendez-vous faire, monseigneur? Demandez à Dieu l'aide de sa divine providence, mon fils. Quel formidable extrait, extrait d'un radiothéâtre donc produit en octobre 1973 sur cette affaire Tartuffe en Nouvelle-France. Ça en dit beaucoup ce qu'on vient d'entendre, Laurent Turcot, sur d'abord sur ce que Molière représente à cette époque-là pour l'Église catholique. Évidemment, c'est Monseigneur Saint-Vallier qu'on entend dans cet extrait. L'avez décrit, cet homme, aussi. Un mot quand même sur Molière pour y revenir, parce qu'on oublie souvent la condition de comédien à la fin du 17e siècle. En fait, durant toute l'époque moderne, jusqu'à la Révolution française, les comédiens, dès qu'ils mettent le pied sur la scène, deviennent automatiquement infâmes. L'infamie civile et religieuse, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être enterré en terre chrétienne, ce qui va être le lot de Molière, et vous ne pouvez pas léguer votre patrimoine. Ça veut dire que vous n'existez pas ni aux yeux de l'Église, ni aux yeux de l'État. Il y a une autre fonction à l'époque moderne qui et infâme dès qu'elle se fait, c'est bourreau. C'est-à-dire, donc, les bourreaux et les comédiens vont de pair. Quand la Révolution française va être lancée, pourrait-on dire, ben, on va enlever cette infamie. Donc, ce n'est pas avant 1789. Mm-hmm. Donc, Molière, comme le disait Monseigneur de Saint-Vallier dans l'extrait, est impie par sa fonction, mais plus encore par ses écrits. Mm-hmm. Et en fait, c'est une attaque que va faire Monseigneur de Saint-Vallier. Le 16 janvier 1694, il va lancer deux mandements. Le premier, contre les discours impies, et le second, ce qu'il appelle un avis sage et raisonnable au sujet des comédies. Et je vous le lis, parce que ça vaut quand même la peine. Il écrit, Monseigneur de Saint-Vallier, « Nous déclarons que ces sortes de spectacles et de comédies ne sont pas seulement dangereuses, mais qu'elles sont absolument mauvaises et criminelles d'elles-mêmes, et qu'on ne peut y assister sans péché. Et comme nous les condamnons et faisons défense très expresse à toutes les personnes de notre diocèse, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de s'y trouver. Bref, péché par association. Ouais. » Donc, demande claire à ses fidèles de ne pas aller voir cette pièce. Il va demander à Frontenac aussi, on y reviendra, de l'interdire. Il y a peut-être quelque chose que n'a pas prévu Monseigneur Saint-Vallier, c'est que ce brave lieutenant comédien, Mareuil, est très combatif. Ah oui, c'est un soldat, justement. Ce n'est pas qu'un comédien. Donc, lui se dit, on attaque mon honneur. Il entend qu'on a lu un mandement à l'Église contre lui. Donc, il se présente au Conseil souverain et dit, je veux une copie du mandement en question. Chose qu'on lui refuse totalement et complètement, parce qu'il dit « Vous n'avez pas à connaître la chose. » Et Monseigneur de Saint-Vallier n'avait pas prévu cette contre-attaque de Mareuil. Où est Frontenac pendant ce temps-là? Il est loin de répondre par la bouche de son canon. Il est fuyant. Ouais. L'image qu'on en a gardée, c'est un homme fort. C'est plutôt un homme qui aime à jouer énormément, jouer de l'argent, voire même, certains disent qu'il était corrompu, qu'il a fait de la prévarication. Bref, on est loin d'être avec un personnage hors de toute tâche, hein, avec Frontenac. Donc, par un subterfuge, on ne le voit plus. Donc, il reste Mareuil. Et on rappelle qu'il voulait, lui, que Mareuil, il était d'accord avec ce projet de monter Tartuffe. Complètement. C'était les deux qui voulaient lancer la chose. Sauf que le Conseil souverain, face à la demande de Mareuil, va se retourner contre le comédien et on va l'attaquer en disant qu'il commet qu'il manque de respect envers la foi, de discours contre Dieu, la Vierge et les saints. Et là, on va dire, bon, ben, écoutez, il faut décider entre Saint-Vallier et Mareuil de quel côté on va trancher. Donc, est-ce que Molière va pouvoir être joué en Nouvelle-France. C'est quand même important comme moment ici. Et le 15 mars 1694, il est déterminé que Mareuil demande que ce soit nul les procédures qui soient contre lui. Mais le lendemain, le Conseil souverain dit « Ben non, finalement, on va emprisonner Mareuil ». Donc, on se dit « On va se saisir de son corps et l'emprisonner ». Sauf que Mareuil est un officier. Ouais. Donc, avant qu'il soit fait prisonnier, on l'envoie. Est-ce que c'est Frontenac qui l'envoie? On l'envoie faire des choses militaires. Donc, il n'est plus à Québec, dans la ville de Québec. On se dit, on va attendre jusqu'au 14 octobre 1694, où là, on se saisit, on va rendre le prisonnier véritablement en prison, pourrait-on dire, visiblement. Et on se dit, bon, ben, c'est de ta faute, c'est toi, les discours impies, quels qu'ils soient, tu es coupable. Oui. Mais là, au Frontenac, on y revient et fuyant, c'est qu'il, sa position n'est pas nette dans cette affaire-là. Il va plaider devant le Conseil souverain parce qu'il est en prison, Mareuil, mais on va le libérer, il sera retourné en France, parce que Frontenac va dire cette affaire-là a été mal gérée. Donc, il va un petit peu défendre Mareuil au bout du compte, mais il va accorder à Mgr Saint-Vallier ce qu'il veut. La pièce va être interdite, Laurent Turcot. Oui, la pièce va être interdite, mais ce qui est assez drôle, justement, vous avez parlé du côté fuyant de Frontenac. Je disais tout à l'heure que c'est un homme qui aimait bien l'argent, qui aimait bien, justement, vivre grassement. Et il avait quelques problèmes de dette de jeu, mais dette en général. Ce qui fait que, quand on voit que Mareuil, finalement, est libéré de prison, comme vous l'avez dit, et dès qu'il est libéré de prison, parce qu'on déclare que, finalement, il ne s'est rien passé, on le met le lendemain sur un bateau, on le renvoie en France, on ne veut plus un peu plus avoir cette histoire, comme si on décrétait un droit d'oubliance. Mmh. Il ne s'est rien passé. Sauf qu'en creusant dans les archives, on se rend compte que Frontenac a été payé par Mgr de Saint-Vallier. Mgr de Saint-Vallier a donné l'équivalent de 100 pistoles pour dédommager le gouverneur du mal qu'il s'est donné ou les dépenses qu'il aurait pu encourir en montant la chose. Donc, le gouverneur général a donc été grassement payé pour le Tartuffe qui n'a jamais eu lieu. Non, parce que contrairement à la France, où il avait été présenté à la cour de Versailles avant d'être interdit, ici, ça n'aura pas dépassé le stade des répétitions. Le Tartuffe à Québec à ce moment-là. On boucle la boucle. Jean-Claude Germain l'évoquait un petit peu au début de l'émission pour parler du tort, en fait, qu'aura provoqué cette affaire-là sur la suite, sur la naissance et le développement du théâtre chez nous, alors. Il est toujours difficile de déterminer ce qui aurait pu se passer si ça avait été autrement. Avec des si, on dit souvent qu'on mettrait Paris en bouteille. Hein. Et en l'occurrence, on se dit, bon, ben, il n'y a plus de théâtre. Jean-Claude Germain disait qu'il fallait attendre 1774 pour un Molière. C'est vrai, mais sûrement pas pour le théâtre. On a continué à en jouer, notamment au Petit Séminaire de Québec, où on montait des scènes, mais attention, des scènes religieuses, notamment le théâtre médiéval, comme la Passion, où on remettait en scène la vie du Christ. Donc, de penser qu'il n'y a pas eu de théâtre après l'affaire Tartuffe de 1694, c'est faux. Il y en a eu, mais sûrement pas dans un théâtre libre que l'on va connaître, comme on le sait, plus fin 18e avec Joseph Quesnel ou début 19e. Ouais. Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, merci beaucoup, Laurent. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.